tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, en rediffusion, des nouvelles de Guyane, une série de Nejma Bouakra, réalisée par Diffie Mariani en 2013. Au départ de cette série, il y a une portion d'Amérique du Sud, une région française en Amazonie, une terre bordée par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, un département français qui est aussi une forêt, partagée avec le Brésil et le Suriname. Il y a la Guyane avec ses identités et ses langues qui racontent une histoire, celle de l'esclavage, du bagne et de la colonisation. De mauvais souvenirs qui laissent des traces, et puis aussi la contestation sociale qui grandit contre les retards structurels et l'abandon pour demander un accès à l'énergie, l'école, la santé, la sécurité et le travail. Et la certitude qu'il faut réécouter ce qui se dit pourtant depuis longtemps. Alors pour commencer, les personnages. Des explorateurs engloutis par la forêt, des habitants du fleuve, un douanier contemplatif qui attend, un chercheur, un pêcheur aux mains usées et des Amérindiens contraints. Ensuite le décor. L'Amazonie impénétrable, un fleuve comme une route, un pont au-dessus du fleuve, l'écho de vieilles archives, des pistes, des cartes, des champs d'oiseaux, des frontières floues et arbitraires, des sols épuisés et Saint-Georges de l'Oyapock. Aujourd'hui, troisième épisode, l'expédition est partie il y a longtemps. À propos, et notre jeune explorateur toulonnais parti seul à l'aventure à travers la forêt vierge, il y a maintenant près de 5 mois. Toujours sans nouvelles ? Sans aucune nouvelle. Il semble certain maintenant que Raymond Mouffray, explorateur déjà chevronné à 23 ans, est disparu dans les jungles de la Guyane amazonienne, mort de faim et d'épuisement, suppose-t-on d'après son journal rapporté à Paramaribo par un ingénieur hollandais des mines d'or de Saracric. Mais les Indiens nomades des régions frontalières déclarent que Mouffray a été tué par une tribu primitive de la jungle. Tellement d'accidents sont possibles en brousse, écrivait-il. Accidents qu'il est difficile d'accuser de préméditation, que ce soit pour la noyade, naufrage, pour le fusil de chasse, déchargé accidentellement au cours d'une battue, pour un éboulement dans une forêt ou un crâne broyé par la chute d'un arbre mort. Saura-t-on jamais, Raymond, de quoi et comment vous êtes mort ? Personne n'a jamais retrouvé le corps du jeune Raymond Mouffray. Mais il laisse avec sa disparition un rêve inachevé. Aller à la rencontre de la frontière, tracer ses limites, dans les espaces les plus fuyants. Ce rêve absolu jette en Amazonie aventuriers naïfs du XVIe siècle, explorateurs intrépides, conquérants de tous bords, jusqu'aux chercheurs d'aujourd'hui. Union française, le magazine de la France d'outre-mer, une émission de Pierre Fromentin et Pierre Richard. Par ailleurs, songez qu'il existe encore dans ce territoire des régions inexplorées, le climat de serre chaude de la forêt guyanaise, ou, après les averses, de véritables tuves, auxquels se mêlent des miasmes délétères, des marécages et du sol putride des sous-bois. Ce n'est pas tant le reptile au crochet venimeux ou celui qui enlace qu'il faut craindre. Ce n'est pas le jaguar qui déchire, le vampire avide de sang. Ce n'est pas le soleil qui affole. En 2011, le géographe Jean-Michel Le Tourneau tente à son tour d'atteindre l'inaccessible frontière. Il la retrouve à plus de 700 km en remontant les fleuves et atteint là une borne marquant la frontière entre les trois pays, Brésil, Suriname, France, plantée en 1937 par une expédition brésilienne. En chemin, des sauts, des rapides, Macacaora, les chutes du désespoir et des récits trompeurs. L'Amazonie est une parabole pour les uns, un territoire vital pour les autres. Amérindiens et populations locales continuent de traverser sans se retourner cette frontière. Et les Indiens, n'a-t-on rien à craindre d'eux ? Non. Il en est deux comme pour les animaux sauvages de toute la forêt guyanaise. On n'a rien à en redouter que leur réaction de défense s'ils sont ou se croient attaqués. Un fleuve en partage, un documentaire de Nejma Bouakra et Diffie Mariani. On est monté la rivière ici au Oyapock jusqu'à Belvédère. Et en Belvédère, on est marché à pied pendant 15 jours et pour arriver jusqu'à la séparation à la bonne. Et moi, avec les autres, on est continué à la bonne 2, à la bonne 7, à la bonne 63, à la bonne 64. Là, les gens, ils marchent avec le boussole, tout ça. Et tandis que nous, on n'a pas besoin de ça, tout ça, parce que nous, on a déjà l'habitude de marcher à la forêt. Et tout ça, c'est, ce qu'il parle, nous observe, et puis ça y est, on trouve tout de suite. Oui. Comment on trace son chemin? Ben, ça dépend comment, en allant, on casse à la droite, et en retournant, on casse à gauche. Sinon, on va perdu. Vous, vous avez vu de vos yeux vus la frontière. Oui. C'est une séparation de la terre. Oui. C'est la première qui arrive, ils mettent une puce. Crac, c'est ça. Et puis il prend un morceau. Il prend un morceau, il casse un morceau et il vient avec ça comme souvenir. Oui, c'est un exercice assez régulier. Hein, je crois que même c'est un petit concours entre les forces spéciales brésiliennes et les commandos français. Ils sont largués et puis le jeu, c'est d'arriver à trouver le premier, cette frontière, ce point de trijonction. Il y a des photos célèbres où on voit un géographe célèbre, Jean Hureau, accompagné d'un fidèle, en train de faire le ciment pour poser cette borne de trijonction est quelque chose qui est érigé comme un symbole. Et effectivement, on s'aperçoit que, même regardons autour de nous, si vous laissez pousser l'herbe ici pendant 6 mois, vous ne verrez plus un banc. Donc on imagine la borne au milieu de la forêt. Elle a plus grand sens, vous pouvez passer à côté à 1 mètre et vous ne la verrez pas du tout. Donc voilà, je vous ai apporté une carte là où on voit le Brésil et les 3 Guyanes. Donc la frontière actuelle se situe ici, donc sur l'Oyapock, avec Saint-Georges ici et la ville d'Oyapoque en face. Et là, on rentre dans le territoire contesté. Ça prend toute une partie de l'Amazone, ça va presque jusqu'à Manaus. C'est absolument immense comme territoire. Et cette zone-là, pendant 2 siècles, elle va intéresser personne. On y trouve surtout des Amérindiens. Ensuite, on va y trouver des esclaves aussi, qui s'échappent du Brésil. Des aventuriers portugais, qui sont venus s'installer ici, soit qui étaient en rupture de banc. Quelques bandits, quelques révolutionnaires qui vont venir s'installer ici. Des bagnards. Et des bagnards, oui. Le bagne s'installe à partir de 1852. Et dès le début, hein, au bout de 3 mois que les premiers bagnards étaient installés, ils vont commencer à s'échapper. Et là-bas, ils vont trouver un endroit, c'est un no man's land. Donc un immense territoire avec des petits villages qui vont commencer à se former, dont un village qui va s'appeler Cunani. Aimez-vous les longs étés sans pluie, au ciel sans nuages, l'atmosphère suave et pure qui rafraîchit l'âme? Les solitudes enchantées où rien ne rappelle la dictature de la société? Vous aimerez à vivre sans le regret de la veille et le souci du lendemain, avec quelques chevaux, quelques vaches, quelques chiens, quelques fusils et quelques familles d'Indiens tout nus. Vous aimerez Cunani. L'auteur de ces lignes, Henri Coudreau, est un aventurier muni de ses rêves topographiques, d'un fusil de chasse, d'une fine moustache et d'une ambition en forme de territoire. Il rêve d'une nouvelle race, ni noire ni blanche, métissée à l'ombre du territoire contesté. La République de Cunani naît en 1886. Le Brésil n'a toujours pas aboli l'esclavage, et la France, qui a déjà concédé l'Amazone à son voisin, feint d'ignorer ce qui se trame sur cette frontière. Trajan, esclave fugitif au corps marqué par le fouet, devient l'administrateur de Cunani. Jules Gros, un journaliste mondain côtoyant la prose de Jules Verne et de George Kipling, est nommé président de Cunani. Gros, premier. Agissez à votre guise tant que votre liberté ne portera pas atteinte à celle d'autrui. Pas de code, pas d'administration, pas de paperasse. Je ne veux rien de tout cela. Voilà ce journaliste au petit journal à la tête d'un territoire de 260 000 km² qui s'étend de l'Amazone au fleuve Oyapock. Un drapeau, une devise, liberté et justice, une monnaie frappée, témoigne de cette république, mais cet état ne sera jamais reconnu par ses voisins et Jules Gros ne verra jamais Cunani. Rué vers l'or, coup de semonce, carte à l'appui, ce territoire contesté passe au Brésil en 1900 et le fleuve Oyapock marque une nouvelle frontière. Dépiller les palais, ay bon Dieu mon Oyapock pas bon. Côté français, la ville de Saint-Georges devient le poste d'observation de cette frontière. Oyapock à mon pays natal, à la mon quérité. Alors la chanson dit que depuis qu'ils veulent parler, ils se disent, mon Dieu, à Saint-Georges, il y a plein de problèmes. À Saint-Georges, la vie est impossible. Ah, les Oyapoko ne sont pas bons. Mais c'est grâce à Saint-Georges de l'Oyapok que certains vivent dans des châteaux. Et le refrain dit, il en l'aille. L'Oyapok, c'est mon pays, c'est là que je vais rester. Un peu plus haut, la forêt est limée par leur paillage clandestin. Et la poudre d'or sert encore de monnaie d'échange. Mais à Saint-Georges, plus de comptoir d'or sur la place du village. Ici, tout se normalise. Un pont matérialise la frontière et les futurs échanges entre le Brésil et la France. Bon Castel. Oui. Vaya, pac. C'est l'Oyapok. Tu passes, c'est 15 minutes de pirogue. C'est peut-être que 5 euros, c'est le prix de la pirogue. Attention, madame. Attention. Nous sommes sur le ponton face à la mairie, derrière nous le Brésil. Je ne vois pas de pont. Ah, mais le pont n'est pas en face de Saint-Georges. Le pont est à peu près un quart d'heure de pirogue en remontant l'Oyapok. Et il est à côté de la ville d'Oyapok, qui est la ville brésilienne sur l'autre rive. Pour voir le pont, il faut prendre la pirogue. Tout à fait. Pour voir le pont, il faut prendre la pirogue. Voilà. Là, c'est une pirogue qui part justement vers Oyapok. Quand on arrive de l'autre côté, donc on a un petit tronçon de route pour rejoindre la route nationale d'Oyapok à Macapá. Et il faut encore rejoindre la ville de Macapá. C'est à peu près 1,5 km pour être dans le centre d'Oyapok. Oui, là, c'est le trafic est intense parce que nous sommes le matin et donc il y a beaucoup de gens qui viennent sur Saint-Georges pour se réapprovisionner. Derrière nous, le Brésil, à vue d'œil, il y a quelle distance? Je ne saurais pas dire, 200 mètres peut-être, à peu près 200 mètres. En fait, on ne calcule pas en distance kilométrique quand on est ici, mais en temps. On met 3 minutes peut-être, 4, non, oui, 3 minutes pour aller de l'autre côté, à Villa Vitória. C'est Villa Vitória qui est une toute nouvelle ville, on va dire, une ville champignon, qui a commencé à se construire en 2005. En 2005, la forêt a brûlé pendant à peu près 6 mois, hein, puisqu'il y a eu on a déboisé pour s'installer. Et maintenant, je crois qu'ils sont à plus de... Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont 1500 de l'autre côté. Et donc le premier bourg, on va dire, qui appartient, enfin qui fait partie de la commune de Saint-Georges, c'est Tampac, qui est un village originairement Saramaca. Ensuite, il y a Trois Palétuviers, qui est plutôt amérindien. Et quand on continue, presque à l'embouchure de l'Oyapok, il y a Wanari, qui est plutôt créole, on va dire. Mais ce sont malheureusement des villages qui petit à petit se dépeuplent, et il y a eu d'autres lieux de vie qui ont complètement disparu au cours du temps. La ville se réveille tôt à 6h30, un peu plus tard, on entend ce bal de pirogue. Oui, ben le seul moyen de communication avec Oyapok d'un côté, Tampac de l'autre, Villa Vitória en face, c'est le fleuve, il n'y a pas de route, en tout cas pas pour l'instant. Tout se fait par Catraille, c'est le nom des pirogues de l'Oyapok. Ce sont des pirogues qui sont couvertes avec un petit toit contre la pluie, parce qu'il pleut beaucoup ici, à la saison des pluies. Nous voilà arrivés. Voilà, donc nous sommes donc arrivés au niveau des guérites de la police aux frontières, là, un peu avant d'arriver au pont. Et pour l'instant, ce pont, vous entendez, il n'y a pas de circulation, il n'y a aucune voiture. En effet, le pont n'est toujours pas ouvert. T'as le paille-paillot qui chante. C'est l'oiseau qui fait piu-piu. Voilà. Tu vois, je l'entends ici. Celui-là. C'est un pont dont on parle depuis longtemps. Oui, ce pont a été rêvé, imaginé par Jacques Chirac et le président Cardoso, le président brésilien de l'époque, en 1997, donc il y a 26 ans, puis concrétisé en 2008 par le président Sarkozy et le président Lula à Saint-Georges de l'Oyapock même, hein, puisqu'il y a eu un sommet franco-brésilien ici. Et donc ce pont relie donc la Guyane française à l'État brésilien d'Amapá, mais aussi bien sûr la France au Brésil et l'Union européenne au Mercosul, le marché commun sud-américain. On était sur la RN2 tout à l'heure, on le traverse, on arrive sur la BR-156, hein, la route brésilienne 156, qui mène jusqu'à la capitale de l'État d'Amapá, qui s'appelle Macapá. Mais une fois qu'on est arrivé à Macapá, certes on est au Brésil, mais on a encore l'embouchure de l'Amazone à traverser. Donc cette image ou ce rêve de la transaméricaine qui mènerait de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska, elle a encore quelques rivières et quelques pays à parcourir, et notamment franchir l'Amazone, c'est pas encore gagné. Et aujourd'hui, franchir l'Oyapock, c'est gagné ? Franchir l'Oyapock, on peut le faire comme on le fait depuis longtemps en pirogue, depuis des siècles et des siècles, mais aujourd'hui on ne peut pas encore le faire par ce pont. Ça fait un an et demi qu'il est fini, l'ouvrage est fini. Du côté français, toute la route d'accès, les locaux de la police aux frontières, la douane sont finis. Mais de l'autre côté, la route d'accès menant du bourg d'Oyapoké n'est pas finie. Et puis surtout, il n'y a pas de douane qui est... Alors normalement, j'ai entendu qu'elle serait en construction, mais la douane n'est pas encore ouverte de l'autre côté. Et les responsables des douanes ici ne veulent pas ouvrir, la France ne veut pas ouvrir une frontière, un pont, s'il n'y a pas leurs homologues en face. Voilà. Est-ce qu'on essaye quand même de traverser le pont ? On va y aller. On va peut-être demander au service des frontières, aux polices des frontières, l'autorisation. Là, pour l'instant, il n'y a personne ? Non. Je crois qu'on n'a pas l'autorisation du directeur pour répondre aux questions. D'accord. Parce que nous, c'est tac-tac-tac-tac-tac, on comprend. C'est vraiment la hiérarchie. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le pont ? 370 mètres de long. Un bel ouvrage, qui ressemble un peu au pont de Millau d'ailleurs, en plus petit. Ben, ça relie, c'est la seule frontière entre la France et le Brésil. C'est quelque chose de fantastique. Où est-ce que s'arrête la frontière alors ? Alors en théorie, quand tout sera fait, je pense qu'elle va s'arrêter au milieu du pont. 50-50, chacun son côté. Quand le pont sera ouvert, ben, on contrôlera les véhicules, les piétons s'il y en a, les douaniers s'occuperont des marchandises, on vérifiera les visas, les passeports. Voilà. Ce sera notre travail. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a en face ? En face, pour l'instant, apparemment, il y a juste un Brésilien qui garde le pont de l'autre côté, chez lui. Il y a un poste frontière de l'autre côté ? Ah, je sais pas, je vais pas te voir. Il va y en avoir, hein. Dans tous les cas, il y en aura. Hein. Quand ils auront terminé la construction, ce sera comme ici, des aubettes, poste frontière, poste douane, la même chose. Pour l'instant, le poste frontière, il est du côté français ? Pour l'instant, côté français, c'est terminé, on est prêt, on attend. On attend le feu vert. Donc il n'y a pas de frontière pour l'instant, alors ? La frontière n'existe pas, elle n'est pas officielle. C'est pas encore la frontière. On attend. Et on attend quoi ? À l'inauguration et l'ouverture officielle de la frontière. Et comme en face, ils ne sont pas encore complètement prêts, ça traîne un peu. Si je vais sur le pont, pour l'instant, je suis apatride. Je ne sais pas si je suis au Brésil ou en France. Pour l'instant, vous êtes en France. Si vous avancez un peu trop, vous serez au Brésil. Alors là... Je peux avancer. Jusqu'à la limite du pont, vous pouvez aller regarder. Oui. Traversez pas, hein, parce qu'il va pas être content. Donc il y a quand même une frontière. Là, c'est la frontière, mais elle n'est pas officielle. Elle n'existe pas, elle n'est pas officielle, voilà. Personne ne peut passer ici encore. Elle n'est pas ouverte. Même si vous venez avec un passeport en visa, vous passerez pas. La frontière, c'est un lieu de passage, en fait. Ouais. Voilà, il y avait une belle forêt, maintenant il y a une frontière. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à garder ici ? Pour l'instant, rien n'est difficile. Vous voyez bien, c'est désert. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile. Au contraire, hein, le cadre est magnifique, comme vous pouvez le voir. Hein. Le fleuve, la forêt, c'est vraiment superbe. Mais vous vous ennuyez pas un peu ? Non. Le matin, je sors, j'écoute les oiseaux, j'écoute les bruits de la forêt. C'est... Bon. Et si quelqu'un passe illégalement en dessous, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes sur le pont, vous. Ah bah, s'il passe en dessous, je ne le vois pas, donc je ne saurais même pas qu'il est passé. Voilà, maintenant je vais vous laisser observer Oyapoké, vue du pont. Mais ouais, c'est pas mal. Et c'est encore plus joli vu d'en dessous. Le pont vu d'en dessous. Nous sommes sur le pont, au-dessus de l'Oyapock. Et on ne peut pas avancer plus avant là. Hein. On s'arrête là. Ah, on s'arrête là, ça y est, on est sur le pont qui enjambe le fleuve Oyapock. Nous entendons les piroguiers qui passent. Continue à passer, c'est le seul moyen de traverser la frontière jusqu'à aujourd'hui, même si ce fleuve fait frontière depuis 1900. Et puis Oyapoké qu'on voit en face, Faut pas oublier qu'avant, ça s'appelait Martinique. Le petit bourg a été fondé par un Martiniquais. Et en face, c'était la France, jusqu'en 1900. En face, c'était la France. C'était la France, c'était le contesté franco-brésilien jusqu'en 1900, et il y avait des plantations, des habitations coloniales et des bourgs créoles, des populations indigènes, amérindiennes, qui étaient considérées comme françaises. Les gens qui vivent de part et d'autre de ce fleuve, ils n'ont jamais eu besoin de pont pour aller se rendre visite, pour aller voir la famille, pour se marier. On traverse la rivière depuis des siècles et des siècles en pirogue. Aujourd'hui, tout s'accélère en quelque sorte. Ça fait un siècle que cette frontière est officialisée dans les traités internationaux, mais pendant un siècle, il y a eu une certaine torpeur sur cette région écrasée sous les tropiques en quelque sorte. Et ce pont réveille un peu à la fois la France et le Brésil pour s'occuper de cette frontière et pour en faire une zone éventuellement de développement économique. Je dis bien éventuellement, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu d'échanges économiques. Hein, il n'y a que 0,6% des importations de produits qui viennent de l'Amapá pour entrer en Guyane française. Ce qui veut dire que ce qui va passer sur le pont, ce sera infime si l'on compare à ce qui transite sur le fleuve. On est sur une frontière avec énormément d'informalités, c'est-à-dire de petits commerces qui se font de main à la main. C'est la farine de manioc qu'on appelle couac ici, c'est le poisson, c'est le jus de palmier comme le wasai, c'est le gibier, c'est différentes marchandises. Alors, on n'est pas en train de parler de produits de contrebande, on est juste en train de parler de produits locaux. Voilà. Cet ouvrage, estimé à 50 millions d'euros, à côté d'une bourgade de 4600 âmes, dont la moitié de la population a moins de 20 ans, vit de son abattis, des minima sociaux, d'un pas grand-chose qui demande un certain art de vivre, ce pont pourrait bien changer le cours de la vie paisible de Saint-Georges. Un pont entre deux régions enclavées, un pont qui enjambe les deux rives et ignore les habitants. Aucun visa n'est exigé pour les Brésiliens venant en France, mais ils sont soumis à l'obligation de visa à cette frontière, alors que les Guyanais peuvent entrer au Brésil sans visa. Côté brésilien, des fruits et légumes, de l'élevage intensif qui lessive les terres. Côté français, de l'agriculture répondant aux normes européennes. Aucun accord opérationnel ni économique, pas de pôle d'activité frontalière. Des hommes et un pont en suspens. Marcelino. Marcelo. C'est Marcelo. Il travaille. Comprende. Il travaille, va pegar. Il travaille et va poisson. Chercher les poissons. Peixe. Il va là. Comme celui-ci, celui-là. Desse. Marcelo. Compreende? C'est Marcelo. Il va, il pêche. Il pêche. Il va chercher le poisson pour le vendre ici à Saint-Georges. Compreende? É Marcelo. C'est Marcelo. Ah, na faixa de 10 anos já comecei a pescar. J'ai commencé à pêcher à l'âge de 10 ans. É, porque eu tô com 60 anos, tô pescando. J'ai 60 ans et j'ai continué à pêcher encore. Já tava pescando com meu pai. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais déjà en train de pêcher avec mon père, ma mère. Peixe do mato, peixe do rio. Poisson de bois, poisson de la rivière. Foi, sou filho de pobre. Je suis un enfant venu d'une famille pauvre. Je travaille depuis tout petit. Je n'ai jamais beaucoup étudié. Meu pai era gente daqui mesmo, do São Jorge, só que a minha mãe era brasileira. Mon père est né ici à São Jorge, mais ma mère était brésilienne. Attends. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Okay. Oh. Il nous montre les mains usées du pêcheur. Trabalha, não é rolé, não é tudo. Il travaille. Oh. Ce n'est pas un fainéant du tout. Meu pai, minha mãe, tous eram pessoas pobres. Mes parents n'étaient tous pauvres. On résidait au bord de la rivière, juste là-bas, en bas. Le métier de mon père était vraiment la pêche. Ma mère était agricultrice. Et moi, je suis aussi agriculteur. Dans mes documents, c'est marqué agriculteur, pêcheur, éleveur de bétail. J'ai élevé de bétail aussi, hein. Ce sont les métiers que j'ai développés. Pour moi, ça commence à devenir dur à cause de mon âge, n'est-ce pas? Ça commence à devenir difficile pour moi, mais je n'ai pas de quoi vivre. Je vis grâce à la pêche et à l'agriculture. Donc il faut que je me débrouille pour survivre avec ma famille et pour élever mes enfants. J'ai encore des petits. Voilà. Pour moi, partout, si on ne fait pas de bagarres, si on n'est pas de voyous, partout on peut être acceptable. Comme moi, partout je suis accepté. Ici, au Cayenne, j'ai une nièce qui habite bien ici, Madame Berge. Ma sœur est décédée à Cayenne. Mais si je pars à Cayenne, je suis accepté là-bas aussi avec ma famille. Je suis un Brésilien, un clandestin, comme la police a déjà déclaré, mais je ne suis pas tellement clandestin comme ils pensent. Mon père a été vraiment français, il est né ici. Sauf que ma mère n'a pas mis le nom de mon père dans mon acte de naissance. Je suis français comme vous. Voilà. Le poisson que vous vendez, il a quel goût, ce petit poisson des rivières ? C'est différent. Les poissons des rivières ont un goût et les poissons de la savane ont un autre goût. Des goûts différents, ça dépend du poisson. Il y a des latipa, un goût différent. Chaque poisson a un petit goût différent. Pour poser les filets, il n'y a pas de frontières. Non, parce que eu tenho meu terreno mesmo. Non, parce que j'ai mon terrain, mon lieu à moi. É meu terreno mesmo. J'ai le terrain où j'habite qui c'est à moi. Caimã, Tawahu, papá, ganhei satisfação lá, ganhei kunani. Il y a des atipa, des caimãs, des papas. Il y a des kunani. Que botão, plus encore que botão. J'ai du beau terrain là-bas, hein? Beaucoup de poissons. Toma aí o seu careca aí, ó. Ai, sacanhão. Mauro, Antônio Mauro. Antônio Mauro. Je m'appelle Antônio Mauro. Nous travaillons ici au marché. J'ai commencé avec du poisson, des fruits, car il y a beaucoup de choses interdites qui passent vers la Guyane. Parce qu'en Guyane, il y a un monopole de loi qu'il n'y a pas au Brésil. Car presque tout aujourd'hui est déjà spécifié par la loi. Tu ne peux pas passer un fruit vers Cayenne, car sinon tu es arrêté par la police. Et ça, c'est une chose du passé. Aujourd'hui, tout est industrialisé. Légalement, tout est fiscalisé, donc il n'y a pas de problème. Tout est une sorte d'obstacle pour passer vers Cayenne. Cayenne est un obstacle pour passer au Brésil. Ce sont des vieilles lois dépassées qui ont besoin d'être revisitées aujourd'hui. Ce pont a été construit avec l'argent public pour servir les deux communautés et interdire le trafic. Je pense que les autorités compétentes doivent agir plus vite pour améliorer la vie des deux communautés, qui sont Saint-Georges et Liapoque. Toutes les deux ont besoin de ce passage qu'est le pont. Donc, les gouverneurs, les politiques, les autorités doivent être conscients qu'ici, nous sommes unis, un peuple pratiquement uni, une communauté rassemblée. Donc, il faut casser le monopole de la loi. Cette loi est très rigide, très sévère pour une communauté aussi éloignée du continent européen. Il faut des lois plus protectrices au service des deux communautés. Car ici, voilà, il n'y a que la rivière qui sépare l'Oyapock de Saint-Georges. Si tu regardes sur une carte du monde, l'Europe est trop éloignée d'ici. Donc l'Europe ne participe pas vraiment à l'apport culturel et religieux de la région. Elle est loin de tous les modes de vie qui se côtoient ici. On a besoin d'une solution le plus vite possible, car nous souffrons des conséquences de la loi. Et la loi est sur le papier, et nous vivons les conséquences de ce qui est sur le papier. Le papier est dépassé. Ces lois ont besoin d'être révisitées pour le bonheur de la communauté. Les gens souffrent et pourraient vivre mieux sans ces lois qui nous asservissent. Pour ça que j'ai dit que si viennent Brésiliens ici pour acheter des parfums, des whisky, hein? La police avait interdité le Brésilien pour acheter en Saint-Georges. Pourquoi que le Français allait au Yapok, il n'y a pas de police pour interditer? C'est difficile ici, Brésilien, pour venir acheter quelque chose au Saint-Georges. La police venir et dehors, retourne, tu n'as pas de papier, tu sais pas pour venir ici. Je pense que c'est pas comme ça. Parce que si tout Français qui allait à Yapok, la police jamais dit retourne. Hein? Todo jour que je venais à ville, comme j'habite là-bas, la Criconozo, quand je venais à ville, ils demandent pour papier. L'autre jour, papier. Ah non, c'est pas possible. Tu pas reconnais mon visage. Todo jour que je passe, tu me demandes pour papier. C'est la même personne qui me demande pour papier. Bon, je pense que tu as déjà connu mon visage, pour todo jour. Hein? C'est tout. Ici, on dit des Brésiliens qu'ils se croient sur un front pionnier, qu'ils ont toujours une frontière à repousser. Les villages, Espérance 1, Espérance 2, Espérance 3, les églises du 14e jour et celles de l'Assemblée de Dieu, les maisons construites en une nuit et un jour par ces charpentiers marins hors pair, élargissent la commune. Mais 92% du foncier en Guyane appartient à l'État. La forêt appartient à l'État. La plupart des terrains constructibles aux communes. Un cadastre à la louche, un plan local d'urbanisme toujours à l'ébauche, Saint-Georges est habité d'une métamorphose. Des villages naissent dans un bourg qui ne reconnaît plus ses contours. Sylvie, mariée à un Brésilien, vit sur ses marges, entre le fleuve et la forêt. Entre là où j'habite et vraiment près du fleuve, il y a un peu de terre dure. Voilà, parce qu'il y a une petite crique qui passe entre la terre dure et ici où j'habite. Et ensuite, de l'autre côté, il y a la rivière. C'est au-dessus de marécage. Hein. Voilà. Le village apparaît donc un peu hors sol. Voilà, c'est à cause de l'eau aussi, hein, parce qu'il y a l'eau qui monte en grande marée. Et c'est complètement inondé. Et l'année dernière, pendant les grandes marées, il y a eu... Enfin, toutes les maisons pratiquement étaient inondées. Moi, ma maison qui est un peu haute, hein, mais elle était vraiment inondée. C'est juste une petite partie là, de ma terrasse qui n'était pas allée au fond. Voilà. Au fur et à mesure que les planches pourrissent, l'huile démonte, et puis on récupère d'autres bois, enfin on achète, et puis on remplace. Toutes ces maisons sont construites en bois, elles sont sur pilotis. Oui. On peut voir serpenter quelques dizaines de passerelles. Oui, voilà. Et c'est nous-mêmes qui avons construit. Parce que quand je suis venue ici, il n'y avait que de la boue. Voilà. Il n'y avait que de la boue. Finalement, ce ne sont que des accès à des maisons, mais il n'y a pas vraiment de rue commune. Ben voilà, il n'y a pas de rue commune, hein. C'est qu'une rue et alentour des passerelles pour accéder aux maisons. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment on construit ces passerelles en bois? Comment on construit tout ça? Les gens demandent à ce qu'un scieur puisse tirer des petits poteaux ben avec des clous. Ben ils font. Hein. Et il y a d'autres qui utilisent des passerelles, mais sur des pilotis, mais couchés. Des rondelles de bois couchées, bien gros, pour pouvoir passer. Ça veut dire quoi, Criconozo? Je crois que c'est le nom d'une personne. Onozo. Voilà, je crois que c'est le nom d'une personne. Et comme je pense que ça traverse la petite crique là, là où il y a le pont, et ils ont mis crique. Et à la marée haute, ça, il y a de l'eau, à la marée basse, c'est sec. Quelle est la relation entre ce village et Saint-Georges? Moi, je trouve qu'on est toujours à Saint-Georges. Bien qu'on dise qu'on ne fait pas partie de Saint-Georges, étant donné que ce n'est pas cadastré. Mais écoutez, cadastré ou pas, quand les gens, les politiciens, là, ils veulent des votes, ils viennent bien chez nous, ici, à Criconozo, hein, pour demander. Hein. Ici, à Criconozo, quand on appelle les gendarmes, ils disent « Ah, on ne vient pas ici à Criconozo parce que c'est dangereux. C'est un petit coin où c'est très dangereux. » Moi, je ne trouve pas que c'est très dangereux. Moi, j'y vis, je sors la nuit, je vais chez mon beau-père, je peux aller en ville. Le seul truc dangereux, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans les rues. C'est tout. Voilà. quand c'est, enfin, quand il n'y a pas un problème, mais quand on a besoin de quelque chose. Alors, il faut que quelqu'un ait l'idée de faire. Enfin, moi, j'ai eu dernièrement l'idée de mettre les poteaux qui sont en bois, là, pour mettre les fils électriques. C'est nouveau. Alors, j'ai réuni pratiquement tout le monde. J'ai demandé au monsieur qui allait tirer les poteaux en bois combien ça coûtait. Et par chaque famille, on a divisé la somme. Et puis, chaque famille a donné 20 euros. Voilà. Et puis, on a pris les poteaux et les hommes ont pris, ils ont fixé sur la terre et c'est là. Ils m'ont qu'à fixer les fils sur les poteaux en bois. Entre les deux manguilles, là, il y en a. Il faudrait passer voir. Ouais. Et d'eau, on n'a pas d'eau potable, l'eau qui sort du robinet. Et dernièrement, ils ont mis, ça fait 3 mois, si je ne me trompe pas, ils ont mis de l'eau potable. Bien au début là, de la cité, enfin de la, du village, où tout le monde peut aller remplir sa bouteille, sa gourde, voilà. Et ça a aidé pas mal de familles, je pense, hein, parce qu'il y a ceux qui utilisaient même l'eau de la rivière. Voilà. Et c'est 200 mètres de tuyaux pour récupérer l'eau et 200 mètres de fil électrique. Voilà. Qui a mis ces fils? Ah ben, c'est nous-mêmes qui avons acheté, hein, pour installer notre pompe. Les fils passent à travers la forêt. Voilà, à travers la forêt, à travers le marécage qui est là. On peut voir, hein, bien ici, là-bas, là. On voit des câbles qui passent, noirs, blancs. Ouais. Pourquoi décider de s'installer sur une zone inondable, au-dessus d'un marécage? Moi, je me suis installée par rapport à mon mari. Il était là. Et pour avoir accès à une parcelle de terrain ici, à Saint-Georges, je dirais qu'il faut vraiment de patience, attendre, alors que je vois que c'est immense ici à Saint-Georges. Je ne sais pas quelle est la part que la commune a. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je sais que moi, j'ai déjà fait 2 fois la demande, par écrit, pour avoir une parcelle de terrain. Et je n'ai pas eu de réponse à mes 2 demandes. Et voilà, et on est là toujours. Pour vivre quelque part à la frontière brésilienne, franco-brésilienne, pour avoir un chez soi, il faut défricher et construire sa maison? Si on fait ça, si on est dans l'illégalité, c'est sûr. Déjà, c'était défriché, hein, jusque là où vous voyez, là, c'était déjà défriché. Et avec les herbes là, comme ça là, qui étaient là. Alors, au lieu de rester chez ma belle-mère et sa famille est grande, eh bien, on a fait notre petite maison ici. C'est sûr, hein, parce que pour construire une maison en bois, il ne faut pas 10 000 ans non plus. Hein. C'est vite fait. Hein. 4 poteaux, 4 traverses et tout, ça y va. Hein. Avec les tôles dessus, voilà. Qui vit à Fikonozo? Ben, il y a des Guyanais, dont je suis une. Il y a des Amérindiens qui sont Guyanais ou Brésiliens. Et puis, il y a des Brésiliens. Ben, qui ont des papiers ou qui n'ont pas de papiers. Pour les Amérindiens, moi, je pense qu'au bord du fleuve, c'est l'idéal. Hein. Moi, je suis d'origine guyanaise. Enfin, je suis guyanaise, mais d'origine amérindienne. Ma maman est amérindienne. Et mon père est pure souche guyanaise. Moi, l'eau, ça, c'est bien pour nous, quoi. Ce village-là ne va, pour ainsi dire, jamais s'éteindre. Parce que les marins pêcheurs, ils en ont besoin. À moins qu'ils retirent les marins pêcheurs pour leur donner un autre lieu. Mais ils ont besoin d'un dégras, comme on dit, au bord du fleuve, pour y vivre. Ouais. Thank you. Saint-Georges, elle est très paisible. Oui, on est la commune la plus militarisée de France, avec la PAF, la gendarmerie, la douane, la Légion, et parfois l'armée régulière. Ça se ressemble dans la vie de tous les jours ? Ça se voit. Ça se voit, on voit les voitures, on voit les gendarmes, on voit circuler la douane. Donc, dans les rues, beaucoup d'habits kaki ? Beaucoup d'uniformes de toutes les couleurs, hein. Pas que du kaki. Pourquoi ? La douane bleu foncé, gendarmerie bleu clair. Ça change quelque chose à l'ambiance d'une petite ville frontalière ? On peut sentir... Enfin, c'est très curieux quand même, voilà. C'est très curieux et je crois que c'est surtout curieux, ça peut être curieux le samedi soir, sur la place du village, où il y a de l'animation et où les uniformes viennent se mêler à la population et on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, si ils sont là pour profiter du moment ou s'ils sont là pour exercer leur métier. Il y a des fois on est un peu perdu, voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis, pour moi, depuis les projets des ponts, on dit pont Saint-Georges et Apoc au Brésil, en France, ça a changé tout. Ça a changé la vie des habitants qui doivent vivre ensemble. Ça a changé le comportement de la vie quotidienne des gens qui, en famille, ils n'avaient pas de pays. Ils étaient dans un seul pays, c'est-à-dire qu'ils habitent à Saint-Georges, qu'ils habitent du côté français et du côté brésilien, pour eux c'était un seul pays. C'est-à-dire les gens qui sont amérindiens, qui sont créoles, qui sont brésiliens, on vivait ensemble. Il y a paix, l'idée des ponts, il y a un partage. Et ça c'est un peu difficile à accepter. Et ça aujourd'hui c'est difficile à voir des familles qui sont obligées de comprendre qu'il y a une limite de circulation. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort du feu, il n'a pas le droit de visiter Saint-Georges. Il n'a pas le droit d'aller faire une photo au centre, devant au centre hospitalier ou devant au collège. S'il se fait contrôler, c'est tout de suite en garde en vie. Ok ? Du côté du fleuve, oh, il n'a pas le droit de dépasser 100 mètres. Il dépasse 100 mètres dans la journée, qu'il le soit, il se fait arrêter. Il est en garde en vie. Il a interdiction du territoire. Rien en France. Enfin, c'est un changement de vie. José, qu'est-ce que ce serait un espace transfrontalier ? Un espace transfrontalier, peut-être un respect ou peut-être une pièce d'identité qui peut identifier quelqu'un de la frontière, une carte où les gens peuvent circuler. C'est-à-dire une carte, quelqu'un qui habite à Saint-Georges, qui habite à Yaport, qui peut aller et retourner, que les gens ils ont les abattis, ils ont les terrains, ils ont le droit d'aller chez eux, voilà. Au moins ça, une carte transfrontalière pour tous ces habitants. Tous ces habitants, ce sont aussi les Amérindiens, près de 400 âmes. Dès le XVIIe siècle, les explorateurs avaient observé, sans bien comprendre, l'extinction des Indiens sur l'estuaire de l'Oyapock. Puis, lors de l'installation des Jésuites, le regroupement de ces communautés ne fit qu'accroître la mortalité de ces populations fragiles. Un afflux de communautés fuyant la colonisation portugaise repeuplèrent ces rives. Aujourd'hui, du côté brésilien, la démarcation de terres indigènes a facilité l'accès à la terre. Côté français, un vide juridique concernant les peuples autochtones les laisse un pied en Amazonie, un pied dans la ville et sans grand recours. Moi, je m'appelle La Bonté Rouget. Maintenant, je suis présenté ici comme le capitaine. C'est mon rôle de capitaine, c'est ici pour les Amérindiens ici, parce qu'ils ont des fois beaucoup de difficultés en famille. C'est un nom français, La Bonté. Parce que nous, on est la bonté, on appelle à Paikwaki, c'est Kwaokine. Il y a notre aussi nation qui s'appelle aussi Waiviene, tout ça. Tu vois, c'est comme ça. Avant, c'est nous qui arrivons les premiers ici, avec mon père. Et auparavant, on ne peut pas installer ici vraiment, et on ne trouve pas les côtés pour installer. Nous, on n'est pas adapté tellement avec les autres ici, tu vois. Enfin, on est perdu un peu. On fait les va-et-vient sur la rivière, bord de la rivière. Et après, on a commencé à installer ici. C'est à cause de l'évangile qu'on a trouvé. Il y a un monsieur qui s'appelle, on appelle le pasteur Bell. C'est lui qui a nous commencé à trouver cet endroit pour nous. Votre famille, Roger Ponté, elle vient d'où? Il vient de Koumené. C'est Pico Mineiro, c'est trop beau au Brésil. Hein. On fait ça en pirogue, 8 heures en pirogue ici. Et pas avant, on fait la pagaie. Hein. On fait la pagaie, on fait 2 jours, 3 jours pour arriver là-bas. Vous avez encore beaucoup de familles au Brésil? Oui, c'est la plus grande famille. On a la bonté et Norino. Hein. C'est la plus grande famille. Ouais. Pourquoi vous cherchez un lieu où vous installer? Parce qu'on est sorti du Comenet, parce qu'avant, c'était une vie tellement difficile pour nous. On ne trouve pas de l'argent, on ne trouve pas de habiller, tu vois. Le vêtement, on ne trouve pas ça. Et puis, on veut aussi les enfants qui vont en classe. Parce qu'auparavant, tous les autres nous ont dit, les Amérindiens, ils ne peuvent pas aller à l'école, il faut qu'ils restent comme ça. En 1967, mon père, il a commencé à trouver une solution avec les gendarmes. Et puis en 1968, les gendarmes font le nécessaire pour nous. Et juste en 1975, à ce moment-là, on a commencé à scolariser. Voilà. C'est trop tard pour nous. C'était vraiment difficile ici pour nous, tu vois. On ne reste pas, on ne trouve pas le lieu pour rester. On est parti à Cayenne. On est parti juste sur le bar de fleuve pour Yapok. Et puis on est monté ici, on est presque arrivé à Pissot, on est resté là. Et tout ça avec les Guyanais, avec le Noir, ils ont dit non, vous ne pouvez pas installer ici parce que on n'a pas de terre. Et voilà. On est toujours en perdant, tu vois. Ouais. Combien de personnes vivent ici et vous veillez sur combien de personnes? Là, on est 472 et le village, ça devenait très, très, très petit pour nous, ouais, à cause des enfants maintenant. Ouais. Quand les gens de ce village-là viennent vous voir, vous qui êtes chef de village, Robert Bonté, qu'est-ce qu'on vous demande tous les jours? Écoutez, parce que là, ils ont vraiment, avec moi, ils ont vraiment dur les autres maintenant. Ils ont dit que je ne fais pas mon boulot, mais parce qu'ils veulent vous faire la bâtie, ils trouvent pas la terre. C'est ça le problème ici. Et moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas comment pour faire. Je ne trouve pas personne qui veut m'aider. Nous, on travaille dans 1 hectare et on tourne. Et maintenant, les sols, c'est vraiment épuisé. Et on ne trouve pas d'autre côté. Voilà. Il faudrait avoir l'autorisation de défricher la forêt? Mais oui, avec l'ONF, là, il faut trouver l'autorisation. Et pour toucher la forêt primaire, c'est vraiment difficile pour nous. Et on est obligé de rester là même endroit. On ne peut pas aller pêcher, on ne peut pas aller chasser, on ne peut pas faire la bâtie, on ne peut pas couper le feuille, on ne peut pas tirer liane. On reste là, ouais. Et à ce moment-là, maintenant, il y a la saison des cueillettes, on ne peut pas aller. Et si la PAF nous voit avec ça, il jette tout. Voilà. La PAF? Ouais, c'est la police. Ouais. C'est arrivé qu'on jette le panier et la cueillette d'Amérindiens. Eh bien, voilà. Ils vont chercher, on appelle le patawa. Et quand ils venaient avec le patawa, ils voyaient dans les sacs. Il voyait les graines et puis il a dit non, ça vous ne pouvez pas passer avec ça. Hein. Et après, il jette le patawa. Bon. Que le patawa, c'est une cueillette réglementée? Oui, c'est le patawa, on fait du jus avec ça. C'est ça. Il y a on appelle ça les comuns, on a des wasai, on a de maripa, on trouve ça tout ça là-bas. Et puis la saison, c'est les fruits, le grain qui dans la forêt qu'on trouve, ça ressemble à des olives. Et c'est ça avec les enfants, ça développe. Mais maintenant, c'est fini. Pourquoi plus de cueillettes alors? Ben à cause on n'a pas de zone pour aller recueillir ça. Et si on rentre dans la forêt, si l'ONF nous trouve encore, il va nous coincer. Ouais. C'est pourquoi on ne peut pas aller. On attend. Ouais. On est tous coincés ici. On est tous bloqués, on est tous immobilisés dans cette zone. Et le fleuve, pour vous, de l'autre côté du fleuve, où est-ce qu'on est de l'autre côté du fleuve? De l'autre côté des fleuves, ça ne compte pas pour nous, vous voyez. Parce que nous, on est transfrontalière. Aujourd'hui, je suis ici, et après-demain, je suis là-bas. Parce qu'on a beaucoup de familles de l'autre côté. Parce que j'ai dit, pour la frontière, ça ne compte pas pour nous. Ouais. Mais maintenant, ici, moi, j'ai dit, c'est vraiment difficile pour nous, là. Parce qu'on est vraiment. On est trop dans les noirs maintenant, là. Mais tandis que là-bas, au Brésil, ils ont une grande forêt là-bas. Ouais. Et nous, on n'a pas de forêt ici. C'est là qu'on perd tout. Je ne sais pas comment on va faire. Mais moi, je ne peux pas travailler avec la justice parce que je suis trop petit. Pour eux, ça, les chefs coutumiers, ça ne résistait pas pour eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a des Amérindiens qui parlent, ils parlent que la vérité. Ouais. Mais il faut que vous soyez, écoutez quand même ce qu'ils parlent. Mais maintenant, les autres, les Amérindiens, ils restent dans les villages, ils ne sortent pas parce que même pour aller au marché, ils ne peuvent pas aller. Ils restent dans les villages. Ouais. Et moi, j'ai dit, hein, c'est pas. Vous restez ici à la maison, ce n'est pas une vie pour vous. C'est pas comme ça, on ne peut pas aller vivre comme ça. Ouais. Tu trouveras trois temps abandonnés. Sur les trois temps, il y a trois roses fanées. La plus fanée des trois, c'est mon cœur qui se repose. Qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi Tino qui l'a dit, fait souci frisé. Depuis longtemps, la pluie a mouillé moi. Si c'était fleur d'amour, t'es au vrai balai. Un fleuve en partage. Avec Frédéric Piantoni, géographe. Mais si par hasard, vous laissez Yohanna. Même si Damien Dévy, chercheur à l'Observatoire Hommes et Milieux du CNRS. Qu'est-ce qui fait pas ma porte? C'est moi Tino qui a dit, fait souci frisé. Merci à tous les habitants de Saint-Georges. Si c'était fleur d'amour, t'es ouvert parler. Avec le soutien d'Air Caraïbes, de l'IRD, attaché d'émission Christine Gage et Eve Etienne, coordination Irène Omelianenko, prise de son Marcos Daras, au mixage Olivier Dupré. Un documentaire de Nejma Bouakra et d'Ifi Mariani pour Sur les docks. Tu trouveras trois temps abandonnés. Sur les trois temps, il y a trois roses fanées. La plus fanée des trois, c'est mon cœur qui se repose. Ça n'a pas défendu, y a demoiselle qui fait une. Maman y est, mon papa y est, tout le monde. Mais si par hasard vous laissez Yoa d'ailleurs, même si c'est tout bon en Yoa, si veille en bébé. Toto, qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi Tino qui l'a dit, fait souci frisé. Depuis longtemps, la pluie a mouillé moi. Si c'était fleur d'amour, t'es ouvert balé. Tu entreras à bord du cimetière. Tu trouveras trois tombes abandonnées. Sur les trois tombes, il y a. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous voulez franchir le fleuve, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster sur le pont ou nous réécouter dans la forêt, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter. Et ce week-end, dans le cadre du festival Imagine organisé par France Culture au Centre Pompidou, retrouvez le documentaire sur scène, la radio du réel, le dimanche 2, de midi à 18h. Mais demain, Guyane toujours, dernière étape, quelques nouvelles d'Amazonie. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.